Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Les milliardaires, rassurons-nous, ont retrouvé leur fortune d'avant-crise. Ouf, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus riches. Eh bien nous nous intéressons toute la semaine à l'histoire des inégalités. Et aujourd'hui, cette terrible question, existe-t-il des bons et des mauvais pauvres ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Existe-t-il des bons et des mauvais pauvres ? Regardons la définition dans le dictionnaire du mot « gueux ». Oui, le gueux ou la gueuse est celui ou celle qui est réduit à la plus extrême pauvreté, qui est obligé de mendier pour subsister. Il est alors va-nu-pied, indigent, miséreux ou nécessiteux. Le gueux est-il bon ou est-il mauvais ? A autre sens à ce mot gueux. Il est une personne de mauvaise apparence, à la conduite vile, méprisable. Dans ce cas, il est un coquin, un filou, un fripon, un misérable. Le mendiant est ainsi, à travers le mot gueux, devenu misérable. Oui, il existe des bons et des mauvais pauvres. Giacomo Todeschini, bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qu'un bon pauvre pour le Moyen Âge ? Disons que au Moyen Âge, le bon pauvre est quelqu'un qui a choisi d'être pauvre. Donc, on pourrait dire qu'au Moyen Âge, pour être un bon pauvre, il faut avant tout être un riche qui fait le choix de abandonner ses richesses pour devenir pauvre à l'imitation du Christ. Ça, c'est la réponse la plus simple, je dirais. Giacomo... Et ça commence... Oui ? Allez-y. Ça commence... Et ça commence avec le père de l'Église, hein, spécialement avec Augustin d'Hippone, saint Augustin, qui dit qu'il faut distinguer entre le pauvre qui ont choisi d'être pauvres, ou bien le riche qui ont choisi de n'être pas trop lié à leur richesse, et les pauvres qui sont désireux de devenir riches et donc qui sont considérés comme des mauvais pauvres. Giacomo Todeschini, vous êtes professeur à l'université de Trieste. D'ailleurs, vous vous trouvez en ce moment même à la campagne, loin du studio. Et pourtant, avec toute cette réflexion sur la pensée économique médiévale, vous nous parlez du bon et du mauvais pauvre avec cette figure essentielle pour comprendre la distinction qui s'opère. Vous l'avez évoqué, celle de Jésus-Christ. Le Christ lui-même, dans la conception médiévale, doit être pauvre, mais là, au sens où il a abandonné ses richesses, mais il n'était pas riche. Donc, disons qu'au Moyen-Âge, mais pas seulement au Moyen-Âge, l'idée est que le Christ, en tant que Dieu devenu homme, a renoncé à son pouvoir, à sa puissance, donc à sa richesse. Donc, le fait que le Dieu... s'est transformé un homme dans un homme de chair et d'eau, ça est interprété comme une renonciation à la richesse la plus importante qui existe, c'est-à-dire le pouvoir divin. Et en plus, je voudrais adjoindre que je suis à la retraite, je suis plus professeur à l'Université de Trieste depuis 4 années. Mais vos ouvrages, eux, font toujours aussi référence, hein, au pays des sans-noms, gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen-Âge à l'époque moderne, ou encore les marchands et le temple, la société chrétienne et le cercle vertueux de la richesse du Moyen-Âge à l'époque moderne. Là encore, oui, le Christ, évidemment, pauvre, quand on peut faire des miracles, il aurait pu s'enrichir, mais non, il ne l'a pas fait. Cette question des riches et des pauvres est au cœur, Valérie Hanin, du numéro de l'Histoire qui est en vente en ce moment. Valérie Hanin, je rappelle, vous êtes rédactrice en chef du magazine L'Histoire. Il était nécessaire de réfléchir sur ces questions de richesse et de pauvreté, en vérité, sur la question de l'inégalité. Oui, Xavier, c'était nécessaire, en tout cas ça nous a paru nécessaire. C'est une question qui est à la fois une vraie question d'histoire, celle des inégalités, et depuis longtemps, hein, pensant à Rousseau, à son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Alors nous, on a souvent fait, et les historiens ont beaucoup étudié, l'histoire des richesses, l'histoire des très riches, ou l'histoire des pauvres, des très pauvres, mais ça n'était pas notre sujet. Le sujet, c'est les inégalités. Comment sont-elles une fatalité? Comment les sociétés les ont comprises, les ont expliquées, les ont justifiées? Car il y a évidemment une inlassable capacité à justifier ses propres privilèges. Quel est le degré de tolérance des sociétés face aux inégalités? Évidemment, l'actualité, vous l'avez dit Xavier, nous y a poussé, hein, ce recreusement des inégalités, et donc qu'on connaît depuis une bonne trentaine d'années. Et du coup, on est allé interroger cinq historiens, et notamment Giacomo Todeschini, qui en est un des grands spécialistes, vous l'avez dit, pour le Moyen-Âge. Et on s'est penché sur les grands tournants de cette histoire dans l'Occident depuis 1000 ans. Toujours cette question, vous l'avez rappelé Valérie, de l'origine de l'inégalité, question philosophique, et puis de la mesure de l'inégalité, sa question pour l'historien. Ceux qui travaillaient en armée, justement, comment vivaient-ils? Oh, ils vivaient dans des conditions terriblement dures. La nuit, le froid, ils étaient encore vêtus de peau de bête, la faim surtout. Ils travaillaient à la terre avec des outils extrêmement rudimentaires. C'est tout ce qu'on entrevoit de l'outillage de cette époque-là, mais je dis bien ce qu'on entrevoit parce qu'il faut se rendre compte à quel point l'historien est démuni lorsqu'il essaye de pénétrer jusqu'à la civilisation matérielle et précisément dans les couches populaires. Ce sont des outils de bois. Tout le fer, le peu de fer qu'il y avait dans ce monde, on l'utilisait pour la guerre. Et les charrues étaient, le soc était en bois durci au feu. Quel était le rendement? Dérisoire. Quand un paysan semait un grain, dans les bonnes années, il en récoltait 3. Quelquefois, il en récoltait 2, quelquefois moins. Par conséquent, le moment entre l'épuisement des réserves de nourriture qui venait très tôt et les prochaines moissons s'élargissait considérablement. À ce moment-là, on mangeait n'importe quoi. Et cette population était vraiment assaillie par toutes les formes de maladies de malnutrition. Le mal des ardents, par exemple. Oui, qui venait d'une consommation excessive de seigle et dont les chroniqueurs de l'an 1000 ont beaucoup parlé à cette époque, voyant là un signe précisément de la colère de Dieu. Georges Duby, grand médiéviste, à propos de la vie quotidienne de l'an 1000, qui parlait sur l'ORTF en 1974. Giacomo Todeschini, mesurer la richesse est une chose, mesurer la pauvreté, comment cela est-il possible de mesurer quelque chose qui, en vérité, ne laisse pas de traces, vu qu'être pauvre, c'est ne rien posséder? Donc c'est un problème de source, je dirais. Nous avons des sources idéologiques, on pourrait dire, c'est-à-dire de discussion entre théologiens, entre juristes à propos de la pauvreté. Et puis nous avons des chroniques, des chroniqueurs qui nous racontent, par exemple, le carestie, le famine, les situations extrêmes qui se vérifiaient au Moyen-Âge, surtout après, justement, après l'an 1000. Mais je dirais que ce que nous savons de la pauvreté au Moyen-Âge est toujours le résultat d'une interprétation formulée par les riches, c'est-à-dire par la minuscule minorité de ceux qui étaient alphabétisés, qui étaient capables de lire et d'écrire, et donc les pauvres n'ont pas laissé une trace de leur perception, par exemple, de la réalité. Et donc, nous avons surtout des représentations de la pauvreté formulées par le riche et les puissants. Et dans ces représentations de la pauvreté, comment se construit l'imaginaire médiéval sur le pauvre? Le bon pauvre, vous l'avez dit, Giacomo Todeschini, c'est celui qui est riche et qui accepte d'abandonner sa richesse. Mais comment le regard se construit sur le mauvais pauvre? Il n'est pas mauvais, s'il n'a rien, il ne peut pas manger. Pourquoi est-il mauvais? Alors disons que d'un point de vue théologique, je l'ai déjà dit, Augustin donne un peu le point de départ à l'interprétation médiévale en disant que lorsque le pauvre n'est pas capable de pas assez cultivé ou assez pieux pour interpréter sa pauvreté comme un signe de la volonté de Dieu, donc il désire de devenir riche, il peut être considéré un peu comme un avare, quelqu'un qui est désireux d'acquérir une richesse. Donc le mauvais pauvre est surtout quelqu'un qui ne comprend pas le sens de sa pauvreté et qui désire surtout de sortir de sa condition de pauvre. Au moment de construire un dossier pour le magazine L'Histoire, Valérie Hanin, il y a cette question de la définition. Et nous le voyons bien, ne serait-ce que par l'iconographie. Le pauvre est moqué, mais il est moqué non pas tellement en tant que pauvre, mais en tant qu'avare, en tant que paresseux. C'est ça aussi qui rend flou la définition même de ce qu'est le pauvre. Oui, il est avare, il est paresseux, vous dites, et ça c'est évidemment très lié à la question du travail. Le mauvais pauvre, c'est celui qui ne travaille pas, ou même qui ne veut pas travailler. Et ça, on retrouve ça évidemment avec la valorisation du travail et du travail de l'utilité sociale dès la fin du Moyen-Âge, mais Calvin l'a renforcé. Tout le protestantisme, évidemment, avec cette valorisation du travail, qui est aussi une façon pour celui qui s'enrichit de mériter sa richesse. Et le mauvais pauvre, c'est celui qui ne veut pas travailler. Et au fond, toute la question va être, enfin le grand débat sera celui de l'explication de ces inégalités entre ceux qui considèrent depuis le 19e siècle que ces inégalités sont des injustices qu'il faut combattre et ceux qui considèrent que au fond elles sont méritées et que le pauvre, le mauvais pauvre, eh bien c'est le dégénérescent, c'est l'alcoolique du 19e siècle, c'est celui dont on dit aussi peut-être aujourd'hui qui ne veut pas travailler. Oui, parce que c'est cet écho contemporain qui nous passionne toujours en faisant de l'histoire. Et justement, dans cette réflexion économique, vous venez de citer Valérie Hanin, Calvin, donc le protestantisme, disons-le. Mais vous, Giacomo Todeschini, vous vous élevez, et nous l'entendons même, on entend votre voix en lisant dans le numéro de l'histoire, en disant « Mais non, ce ne sont pas les protestants qui mettent de l'économie là-dedans, ça existait déjà auparavant. » Disons que j'ai travaillé, plusieurs décennies et j'ai écrit plusieurs livres en essayant de montrer que ce qu'il y a d'économique, de economics, comme on dit en anglais, dans le discours protestant, est tout à fait enraciné et plonge ses racines dans le discours chrétien qui remonte déjà jusqu'à l'époque patristique et qui se développe surtout à partir du 12e, 13e siècle, c'est-à-dire à l'époque qu'on a indiqué comme l'époque de la révolution économique entre Moyen-Âge et Âge moderne. Oui, il y a dans le texte... Non, dites-moi. Allez-y. Non, mais dans le tournant que vous évoquez, nous voyons bien se construire du point de vue de l'analyse économique de la société, mais aussi du rapport à la religiosité, une place très particulière pour la pauvreté. À quel moment se construit vraiment l'image du mauvais pauvre et du bon pauvre ? Non, je dirais que le tournant entre 12e et 13e siècle est tout à fait décisif, parce que c'était en cette période qu'on commence à analyser de tout près le fonctionnement des marchés, le fonctionnement de l'économie, et donc on a toute une valorisation du travail, de la productivité, et on commence à représenter l'argent comme un capital qui peut se reproduire, et donc on commence à valoriser les capacité des gens qui sont capables de faire reproduire le capital et l'argent, donc qui découvrent dans l'argent une puissance de reproduction, et on fait une distinction entre les gens qui comprennent profondément le signifié et le pouvoir ou la puissance de l'argent, et c'est ceux, comme par exemple les pauvres, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas des attitudes spéciales au travail qui ne comprend pas, qui n'en sont pas capables de comprendre le signifié et la puissance de l'argent. Donc, le mauvais pauvre est avant tout quelqu'un qui ne comprend pas, et ça commence au XIIIe siècle, qui ne comprend pas les règles du marché, les règles de l'économie et de l'organisation sociale. Eh bien justement, allons faire un petit tour au XIIIe siècle à la rencontre d'une figure majeure, Saint François d'Assise. Il avait de longues fines mains d'oiseleur, la jambe arquée, et j'en suis sûr, le souple pied des primitifs, un marcheur, comme papa d'Ariège. Un beau jour, passe un troubadour français qui chante « Je suis Arnaud qui amasse le vent et qui chasse le lièvre à bœuf. » Et François s'enthousiasme, les troubadours français, les Bernard de Vintadour, Arnaud Daniel, Père Vidal, sont alors à la mode, célèbres dans toute l'Europe. François ne jure que par la France, d'où son nom de Francesco, qui n'est qu'un sobriquet. Le petit français, il y aura toujours dans Saint-François un peu de la furia française, la furia françoise. Voilà, François d'Assise qui effectivement s'appelait Giovanni. Donc François, c'est parce qu'il est français. Information, c'est un texte de Joseph Delteille lu par Philippe Forcioli. Dites-nous, Giacomo Todeschini, quelle est la figure de François d'Assise? Quelle place a-t-elle dans la construction justement de l'image du bon pauvre? Je dirais qu'avant François d'Assise, déjà au XIIe siècle, il y a des exemples d'hommes et des femmes riches qui renoncent à leur richesse pour suivre l'exemple du Christ. Et François d'Assise est, disons, l'exemple majeur de cette renonciation. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, à la fin du XIIe siècle, on commence à voir le cas de marchands qui renoncent, avant François d'Assise, de marchands qui renoncent à leur richesse et qui sont reconnus comme des saints par l'Église catholique. Oui, François d'Assise. Oui. Ce qui est très lourd de sens, effectivement, qu'un marchand puisse devenir saint, dans ce que vous expliquez, Giacomo Todeschini, vous racontez l'histoire de Homme bon de Crémone, qui est sanctifié par Innocent III, un marchand qui peut devenir saint. C'est un message très fort envoyé au monde des marchands pour dire « n'hésitez pas, le commerce n'est pas honteux, au contraire ». Mais en fait, le problème est qu'entre 12e et 13e siècle, on découvre dans le commerce, disons, dans la richesse, dans le fonctionnement de la richesse à l'intérieur de la société, une forme de vertu, une forme de un modèle, disons, d'organisation sociale qu'on rapproche de plus en plus entre 12e et 13e siècle à la perfection chrétienne. Donc, on découvre la possibilité d'être des chrétiens parfaits, de chrétiens vertueux en faisant reproduire l'argent. Donc, évidemment, une conséquence immédiate de ce procès qui est en même temps social, économique, idéologique, est la dévaluation, la réduction de la valeur sociale, je veux dire des pauvres, de ceux qui sont incapables de faire fonctionner la richesse, de faire circuler la richesse à l'intérieur de la société. Donc le mot pauvre devient un mot qui a affaire avec une pluralité des situations sociales. Donc c'est pas seulement les gueux, les mendiants, mais plus en général les gens qui ne comprennent pas, comme je le disais avant, le fonctionnement, l'essence, je voudrais dire, de cette nouvelle société. Alors François d'Assise est vraiment un modèle de ce point de vue, un exemple, parce qu'il est le fils d'un marchand assez important de l'Italie centrale. Il refuse cette condition de pouvoir social, sa condition sociale, Ils refusent l'argent en tant qu'objet matériel, mais en même temps, dans sa règle et dans ses écrits, et surtout après lui, c'est l'école, je veux dire le monde intellectuel qu'il produit, disons, et fait une distinction entre l'usage direct matériel de l'argent et la possibilité de faire fonctionner économiquement une situation réelle, par exemple un couvent ou une communauté. Donc, voilà. Ce choix de pauvreté signifie que, avec François, signifie que on peut être extrêmement actif d'un point de vue économique sans toucher l'argent, sans faire un usage direct de l'argent. Et dans ce dossier sur les riches et les pauvres, sur les inégalités dans l'histoire, toujours cet intérêt du temps long. Là, nous parlons du moment médiéval. Nous évoquons Saint-François d'Assise. Très bien. Il peut faire de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent pour lui-même, etc. Vie pauvre. Mais dans le temps long, nous sentons, Valérie Anna, qu'il y a des ruptures. Tout un aspect est oublié peu à peu dans cette histoire d'accumulation d'argent et du capital. Bien sûr, oui. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est d'étudier les moments de rupture hein, dans cet Occident. On s'est quand même limité à l'Occident depuis 1000 ans, c'était déjà pas mal. Une des ruptures fondamentales, c'est évidemment les révolutions du XVIIIe siècle, les révolutions atlantiques, notamment la Révolution française, parce que là, on passe à autre chose qui est la propriété, c'est-à-dire la sacralisation de la propriété. Et nous donnons aussi la parole dans ce dossier à Thomas Piketty, qui a évidemment bien étudié ça à la suite d'autres historiens, mais de façon vraiment très passionnante, comment s'est installé au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, ce propriétarisme qui justifie des inégalités de richesse absolument considérables. Il y a un creusement des inégalités au XIXe siècle en Occident, notamment en France, il a étudié beaucoup les archives successorales, qui culmine en 1914 et qui fait que 1% de la population concentre plus de la moitié des richesses, 10% on concentre 80 à 90%, ce qui est pour certains, ce qui va devenir injustifiable. Et là, il y aura un autre basculement, évidemment, qui est celui du XXe siècle, et qui est celui d'un retournement qu'étudie dans le dossier Nicolas Delalande. Je crois qu'il viendra mercredi cette semaine, et voilà. Il vous l'expliquera mieux que moi, ce court siècle de l'égalité qui est lié évidemment à la question de l'impôt et de l'impôt progressif. Effectivement, Nicolas Delalande va venir dans le cours de l'histoire nous parler de l'impôt, mais cet intérêt du temps long nous montre bien aussi que les conceptions médiévales sur le bon pauvre et le mauvais pauvre perdurent. Elles sont encore présentes aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire avec cette règle, et ne l'oublions pas avec Édith Piaf. D'accord, il y a la pauvreté, d'accord, il peut y avoir la misère, mais il y a toujours l'amour. Qu'un instant, la goualante du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Il vivait au jour le jour, dans la soie et le velours, il pionçait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas. Dans la vie, on est peau de balle, quand notre cœur est au clou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il becquetait chez des barons, il guinchait dans les salons, et lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût, sans amour, on n'est rien du tout. Il fut un méchant larron, on le saluait bien bas, mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout. cordelette. Mieux vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Et voilà mes braves gens, la joie lente du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, padam, padam, soin. Edith Piaf, la goualante du pauvre Jean, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Oui, sans amour, on n'est rien du tout. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Le cours de l'histoire qui s'intéresse aux bons et aux mauvais pauvres. Giacomo Todeschini, vous nous avez bien expliqué que le bon pauvre est riche en réalité, mais il abandonne sa richesse avec un effet miroir qui est terrible. Vous pouvez nous parler de Jean le Simple, un disciple de Saint François d'Assise, et là nous comprenons très bien comment le riche qui devient pauvre essaye d'imiter le pauvre et on n'en finit plus. Donc c'est un exemple assez efficace de la représentation de pauvres, des vrais pauvres, par le discours qui se réfère au pauvre évangélique. Donc c'est une légende, une vie de François d'Assise, dans laquelle on parle de ce paysan qui décide de devenir franciscain et qui demande d'entrer dans l'ordre franciscain. Et alors le problème est qu'il n'a pas grand-chose à laquelle renoncer, donc il n'est pas riche du moment qu'il est pauvre. Et donc, sa famille a seulement une vache. Et donc, la famille est désespérée parce que si cette famille est pauvre, abandonne cette vache, il devient plus que pauvre de mendiants. Et alors, on fait une exception. On raconte qu'on fait une exception et on admet que qu'on sera renommé Jean le Simple, puisse entrer dans l'ordre et la famille puisse garder sa vache, donc sa seule richesse. Alors Jean le Simple entre dans l'ordre franciscain, mais en fait, du moment qu'il n'est pas cultivé, qu'il n'est pas alphabétisé, qu'il n'est pas capable de lire les Écritures, il ne comprend pas le sens véritable de ce choix de pauvreté. Il est tout à fait fasciné par François d'Assise et par le franciscain en tant que de gens qui comprend à fond la pauvreté du Christ, l'exemple du Christ. Et donc le choix de ce pauvre Jean est de imiter le comportement de François d'Assise. Donc, lorsque François d'Assise Jean dit ses prières. Lorsque François d'Assise travaille, Jean le Simple travaille. Et donc, il devient une sorte de, on le décrit comme une sorte de simplicité consiste dans les faits que son choix d'être un pauvre évangélique se traduit dans une imitation totale et, disons, totale et immédiate des gestes, de comportement de François, qui est vraiment, dans ce cas, le modèle physique de la pauvreté véritable, de la pauvreté digne. Et donc, ce discours, cette représentation, cette histoire de Jean le Simple nous transmet cette idée que le pauvre involontaire, lorsqu'il devient un pauvre volontaire, lorsqu'il fait le choix de se transformer d'un pauvre indigne, d'un pauvre qui n'a pas un sens précis, dans un pauvre digne, c'est-à-dire dans un pauvre honorable, peut seulement imiter la pauvreté vécue, comprise, pratiquée par les riches qui ont choisi d'être pauvres. C'est une mise en abîme absolue que vous nous racontez là, Giacomo Todeschini, ce vrai pauvre qui est obligé d'imiter un riche qui a fait le choix de pauvreté pour être accepté comme bon pauvre. Oui, l'imitation est nécessaire quand il s'agit de bons pauvres en religion. Pour accepter ce tournage, j'ai demandé à toutes les sœurs d'exprimer leur avis par écrit. Et si toutes ont été d'accord, avec des motivations diverses, comme sont diverses nos personnalités, c'est peut-être d'abord parce que Sainte-Claire est patronne de la télévision. En effet, c'est Sainte-Claire qui est notre fondatrice. Au XIIIe siècle, à la suite de François, elle a quitté sa maison, sa famille, ses biens, pour vivre uniquement pour le Christ. Notre règle est très simple, très souple et très exigeante à la fois. C'est essentiellement vivre l'Évangile d'aussi près que possible, en communauté, c'est-à-dire dans l'unité des esprits et des cœurs, et dans la pauvreté, la vraie pauvreté, celle qui n'est ni misère ni laideur, mais pleine et totale liberté dans la joie de ne rien posséder. En 1976, sur FR3 Grand Est, un reportage sur les Clarisses. Les Clarisses à la suite de Sainte-Claire d'Assise, un ordre du XIIIe siècle également, Giacomo Todeschini. L'ordre des mendiants, les ordres mendiants, que ce soit à la suite de Saint-François d'Assise, de Claire d'Assise, qui ne sont pas de la même famille, tout cela montre le grand succès de cette image du bon pauvre. Oui, c'est un succès énorme en toute l'Europe et je voudrais souligner, en faisant référence à le texte qu'on a lu, qu'on souligne la différence entre misère et pauvreté. Et ça, c'est le point crucial du discours. La pauvreté volontaire, le bon pauvre, devient un modèle social très important, justement pour le fait qu'on fait une distinction, qu'on déclare la possibilité de faire une distinction entre la misère honteuse, et la pauvreté en tant que pratique sociale active qui permet de s'intégrer dans la société, d'être de protagoniste de la vie sociale, en même temps renonçant à la richesse. Donc, la pauvreté volontaire, le bon pauvre est quelqu'un, le bon pauvre qui pratique la pauvreté volontaire est quelqu'un qui découvre un style de vie, on pourrait dire, qui le rend actif d'un point de vue social, et sans être riche, et donc c'est un style de vie qui propose un usage de biens du monde qui est différent de celui pratiqué par les riches, mais qui en même temps est reconnu comme utile à la réalisation de ce qu'on appelait le bien commun, disons le bonheur social. Dès lors, celui qui ne respecte pas ces règles, cette manière de se conduire, devient le mauvais pauvre, il est infâme. Oui, en fait, j'ai écrit un livre sur ça qui a été traduit aussi en français. La famille des infâmes, de ceux qui sont considérés à l'extérieur du corps social au Moyen-Âge, et pas seulement au Moyen-Âge, est extrêmement large. Mais une grande partie de cette famille des infâmes est composé par le pauvre indigne, c'est-à-dire par le pauvre dont la pauvreté n'est pas reconnue comme doué d'un sens compréhensible, intelligible. Donc, par les pauvres qui ne sont pas conscients du sens de leur pauvreté, qui sont surtout des sujets à protéger, à gérer par les riches, sont en même temps considérés des infâmes, c'est-à-dire des gens qui sont un peu sur les marges du périmètre, si on peut dire comme ça, social, économique, du périmètre du marché, de la ville. Et parfois, ces gens-là, nous les retrouvons dans la cour des miracles. Oh, vrai Dieu, mamie, je suis truand au fond du cœur. Argotier dans l'âme, né cagou. J'ai été très riche, j'ai mangé mon bien. Ma mère voulait me faire officier, mon père sous-diacre, ma tante conseiller aux enquêtes, ma grand-mère proto-notaire du roi, ma grand-tante trésorier de robe courte. Moi, je me suis fait truand. J'ai dit ça à mon père qui m'a craché sa malédiction au visage, à ma mère qui a inondé le logis de ses larmes. Alors, je me suis installé à la cour des miracles et je m'y trouve fort bien, oh, surtout en ta compagnie. Oh, polisson, mauvais garçon, fils indigne. Alors, c'est vrai, dis mon François, qu'il te reste encore de beaux écus à dépenser. Mauvais garçon, fils indigne, la cour des miracles, une fiction radiophonique de 1957. Giacomo Todeschini, autour de cette figure du mauvais pauvre se construit tout un discours. Comment est-il décrit, ce pauvre ? Bon, comme au cinéma ou à la radio, on le représente comme un personnage amusant d'un certain point de vue, du moment que l'âge contemporain a hérédité, comment dire, on sait, les stéréotypes qu'on a produits entre Moyen-Âge et Âge moderne. Donc au Moyen-Âge et au début de l'Âge moderne, le pauvre est représenté comme quelqu'un qui boit beaucoup, qui n'a pas de morale, qui est paresseux, qui va au bordel, qui ne suit pas. C'est justement le problème, est que le mauvais pauvre est quelqu'un qui ne connaît pas les règles de l'organisation sociale, donc il n'a pas de, il n'est pas fiable, avec un mot. Et donc il est quelqu'un qui doit être tenu hors de l'organisation sociale. Un signal assez précis de ce manque de fiabilité de pauvre est très précis, je veux dire, juridique, que j'ai souligné plusieurs fois dans mon livre, le fait que le pauvre n'est pas considéré digne de témoigner dans un tribunal. Donc, du moment que sa parole n'est pas considérée comme fiable. Et on dit assez, avec une certaine précision, dans les textes, ne sont plus des textes théologiques, mais sont plutôt des textes juridiques. Et donc des textes de réglementation de la vie sociale, que le pauvre n'a pas le droit de témoigner dans un tribunal, et du moment qu'il est infâme, ça veut dire qu'il peut être obligé par quelqu'un qui a plus de pouvoir social que lui de dire des choses fausses, de témoigner le faux, etc. Donc, il y a un problème aussi de privation des pauvres de droits élémentaires de participation à la vie sociale. Et pour donner encore un exemple, par exemple, c'est un texte que j'aime beaucoup, disons, entre guillemets, et Thomas d'Aquin, nous sommes dans la deuxième moitié, vers la fin, aux années 70 du XIIIe siècle, dit qu'il faut interdire le témoignage dans un tribunal à tous ceux auxquels on peut donner des ordres. Donc en commençant par les pauvres. Donc la condition de pauvreté involontaire est en même temps une condition d'indignité civique, on pourrait dire. Dès lors, que faire des pauvres ? Eh bien, pourquoi pas les placer à l'hôpital. Considérons quel labeur c'est, de nuit comme de jour, que de soigner, coucher, relever, vêtir, nourrir, consoler des pauvres si nombreux, frappés de multiples maladies et d'origines si diverses. On ne le sait pas si on ne l'a pas expérimenté. Ce n'est pas tant seulement miséricorde de payer ce qui est dû à l'Hôtel-Dieu, mais justice et vérité. Or, le défaut de paiement est tel qu'on leur doit actuellement plus de 2000 francs. C'est peu de chose au regard de votre magnificence royale et de la richesse que vous levez sur votre peuple. Mais c'est beaucoup aux yeux de l'Hôtel Dieu et des pauvres. C'est leur vie, c'est leur tout. Veuillez donc y remédier, car si la chose demeure ainsi plus longtemps, il conviendra de cesser l'office de miséricorde en votre Hôtel Dieu et d'en fermer les portes, tant les pauvres appellent au secours et crient. En 1406, le théologien Jean Gerson implore le roi Charles VI d'aider les pauvres de l'Hôtel Dieu. Quelle est la place de l'hôpital dans cette histoire des pauvres et notamment des mauvais pauvres, Giacomo Todeschini? Alors je dirais que la multiplication des hôpitaux au XIIIe, XIVe, XVe siècle, à l'âge moderne, est non pas seulement un résultat de l'intérêt pour les pauvres par les riches d'un accroissement de la charité, mais est en même temps un produit de la multiplication de raisonnements économiques qu'on voit se développer à partir du XIIIe siècle. On pourrait dire en faisant un discours un peu anachronique, que c'est un phénomène résulte d'une rationalisation de l'organisation économique de ville. Donc, le problème est de faire quelque chose de ce pauvre qui, d'un certain point de vue, entrave l'organisation économique des villes. Et donc, il faut gérer ces pauvres, il faut les administrer, il faut les éduquer en même temps, les soigner, bien sûr. Et donc, on assiste à la fondation de plusieurs hôpitaux, justement l'Hôtel Dieu, Santa Maria della Scala à Sienne, par exemple. Et ces hôpitaux sont en même temps des hôpitaux dans le sens moderne du terme, mais en même temps, ils sont des institutions économiques et sociales qui gèrent un grand patrimoine qui en partie est utilisé pour soigner et pour gérer les pauvres et qui en même temps, et d'autre part, est employé pour multiplier le patrimoine en tant que patrimoine. Donc on assiste par exemple dans la plupart de villes médiévales au fait que l'hôpital en tant qu'institution publique fait des affaires avec la commune et avec le grand marchand. Donc les hôpitaux sont en même temps des institutions bancaires, ils ont un grand patrimoine immobilier et dans la campagne, ces hôpitaux possèdent beaucoup de terres, etc. Donc, il y a une sorte de synthèse entre l'aspect charitable de l'hôpital et son aspect d'institution bancaire, économique, qui fait fonctionner l'économie du territoire. Giacomo Todeschini, vous connaissez par cœur et vous nous l'expliquez ce discours lié à la théologie qui met en place le bon et le mauvais pauvre, un discours qui touche à l'économie, au monde social, qui touche en fait à la politique. Vous êtes imbibé de ce discours, vous l'avez étudié au Pays des Sans-Noms, c'est votre ouvrage, mais quand vous lisez aujourd'hui les réflexions autour de la pauvreté, vous retrouvez ses racines médiévales. Si vous voulez dire que le discours d'aujourd'hui sur la pauvreté a des racines médiévales, bon, je pense que beaucoup de discours et surtout des stéréotypes à propos de la pauvreté produits au Moyen Âge ont continué à fonctionner parfaitement à l'âge moderne et arrivent jusqu'au aujourd'hui. Et l'idée, par exemple, comme on le disait avant, que le pauvre est quelqu'un qui est pauvre en conséquence de son incapacité de faire fonctionner la richesse, de s'enrichir, est une idée aujourd'hui assez disons, courante, on pourrait dire, non? L'idée qu'il y a des gens qui sont, qui ont des attitudes, qui ont des capacités spéciales, et donc, c'est le, disons que en deux mots, le stéréotype sur les pauvres qu'on produit au Moyen-Âge sont fondamentales pour justifier les inégalités sociales aujourd'hui. On le voit assez facilement. C'est ce qu'on appelle, on a appelé la fausse méritocratie de l'âge contemporain, qui plonge ses racines dans ce discours sur l'indignité des pauvres et qui, disons, plonge ses racines dans une représentation des pauvres comme gens qui sont pauvres en conséquence de leur inaptitude à la vie sociale et économique. Et Giacomo Todeschini, dernière question. Est-ce que le bon pauvre, lui, est toujours présent dans nos sociétés? Le bon pauvre, on pourrait peut-être dire que le bon pauvre dans notre société est représenté par le travailleur ou par le travailleur pauvre, par le consommateur qui s'adapte à sa condition et qui n'a rien à demander de plus de ce qu'il se trouve à recevoir par cette organisation sociale. Ça est peut-être considéré le bon pauvre d'aujourd'hui, peut-être. Peut-être. Merci beaucoup en tout cas, Giacomo Todeschini, pour cette réflexion très pertinente sur le bon, le mauvais pauvre au pays des sans-noms. C'est le titre de votre ouvrage publié chez Verdier, Les marchands et le temple, chez Albin Michel. Merci à vous et pour le moment, nous retrouvons Anaïs Quien. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Anaïs Quien, nous parlons d'inégalité. Alors c'est étonnant, oui, mais c'est le dernier numéro de l'Histoire qui s'intéresse à la question. Les femmes en Suisse n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1971, c'est-à-dire juste hier. Alors pourquoi si tard, Anaïs ? La date peut surprendre. Les femmes suisses n'ont effectivement obtenu le droit de vote qu'en 1971, il y a 50 ans. Une bonne nouvelle, bien sûr, mais un anniversaire à fêter en 2021 qui remue l'histoire nationale du pays. On moque souvent les votations très fréquentes du système politique suisse, et pourtant c'est une des rares nations où la démocratie directe s'applique aussi largement à tous les citoyens. À tous les citoyens, mais depuis peu à toutes les citoyennes. C'est l'histoire de cet étonnement que nous raconte Zoé Kergomar dans le dernier numéro du magazine L'Histoire. Je pense que la femme valaisanne n'est encore pas tout à fait préparée pour traiter ces problèmes. Pour le suffrage féminin ? Pour quelle raison ? C'est une question de dignité pour la femme de pouvoir voter. Je ne voudrais pas que les femmes votent parce que j'aime mieux que les femmes restent à la maison. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Non, je trouve que les femmes, ils ont assez à faire à la maison. Lorsque le droit de vote est enfin donné aux femmes, le chemin parcouru a été très long. 1971, la date tranche furieusement par rapport à ses voisins. En France et en Italie, elle dispose de ce droit depuis 1945 et même depuis 1918 en Allemagne. Alors, que s'est-il passé ? La démocratie suisse a longtemps été jugée trop exigeante pour les femmes. Depuis la fondation de l'État fédéral en 1848, le citoyen suisse modèle est un citoyen soldat dont la communauté protège le pays et son indépendance. On concède aux femmes le droit de les assister dans cette noble tâche en rejetant régulièrement leurs demandes de participation directe à cette belle démocratie qui se vit comme idéale. Pourtant, la question se pose dès 1868, les suffragettes suisses apparaissent dès le début du XXe siècle, la revendication est portée aussi bien par la bourgeoisie qu'au sein du mouvement ouvrier, sans parvenir à se faire entendre. Les femmes s'engagent dans l'action citoyenne trop souvent considérée comme modeste, l'éducation, l'aide sociale, la religion, une stratégie politique des petits pas qui les a piégées dans leur statut subalterne, selon Zoé Kergomar. Après la Première Guerre mondiale, la possibilité d'un vote féminin est écartée, une pétition à succès échoue encore en 1929 et la situation ne s'arrange pas après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. C'est en 1950, alors que le Conseil fédéral suisse demande un engagement renforcé des femmes dans la protection civile, nous sommes à l'ère de la terreur nucléaire, que la situation s'enflamme. Impossible d'accepter de nouvelles responsabilités dans la vie du pays sans obtenir l'égalité politique. Une votation, exclusivement masculine donc, est organisée en 1959 Et malgré le soutien du gouvernement au oui, le non l'emporte largement. En accordant le droit de vote aux femmes, on va accentuer ce qui est sentimental dans les réactions politiques, et ça ne me paraît pas particulièrement souhaitable pour la bonne conduite d'un pays. C'est là que la structure politique suisse démontre aussi ses qualités. Si le droit de vote des femmes est rejeté au niveau fédéral, il est progressivement instauré à l'échelon local, celle des cantons et des communes. Sous pression, alors que la Suisse s'apprête à signer la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'influence toujours plus grande du féminisme, le droit de vote est enfin conquis de haute lutte et malgré une minorité de femmes de la bourgeoisie alémanique qui persiste à vouloir protéger les femmes de la politique. Il y a 50 ans, les femmes suisses obtenaient enfin le droit de vote, un droit tardif qu'on aimerait considérer comme une absurdité historique. Pour suivre Zoé Kergomar, mais surtout l'histoire d'une inégalité fondatrice, on souhaite de belles célébrations cette année à toutes les électrices de Suisse. Effectivement, belle célébration de tout cœur. Le journal de l'histoire est sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, tant qu'il y aura des riches, une histoire des inégalités. Posséder la terre, terreau des inégalités. L'impôt peut-il nous sauver des inégalités? Qui a peur du grand déclassement? Et bien sûr, l'invention du bon et du mauvais pauvre. Des émissions à écouter, à podcaster sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viodeste, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Demain donc, posséder la terre, terreau des inégalités.